Vous savez, ma chère, que les dentistes vous disent de crier quand ils vous font mal. Moi, je vous dis, pleurez, pleurez. Douces ou amères, les larmes soulagent toujours. Ah, mon Dieu! Mais c'est incroyable, une chose pareille. On ne peut pas aimer Madame de Blainville. C'est une coquette à moitié perdue qui n'a ni esprit ni beauté. Elle ne vaut pas votre petit doigt. On ne quitte pas un ange pour un diable. Je suis sûre qu'il l'aime. J'en suis sûre. Non, mon enfant, ça ne se peut pas. C'est un caprice, une fantaisie. Je connais Monsieur de Chavigny plus qu'il ne pense, il est méchant. Oh. Mais il n'est pas mauvais. Il aura agi par boutade. Avez-vous pleuré devant lui? Oh non, jamais. Vous avez bien fait. Il ne m'étonnerait pas qu'il en fût bien aise. Bien aise. Bien aise de me voir pleurer. Eh mon Dieu, oui. J'ai 25 ans d'hier, mais je sais ce qui en est sur bien des choses. Comment tout cela est-il venu? Mais je ne sais. Parlez, avez-vous peur de moi? Vous êtes ma meilleure amie. Je vous dirai tout, je me fie à vous. Il ne s'agit de rien de bien grave, mais j'ai une folle tête qui m'entraîne. J'avais fait en cachette pour Monsieur de Chavigny une petite bourse que je comptais lui offrir aujourd'hui. Depuis 15 jours, je le vois à peine. Il passe ses journées chez Madame de Blainville. Lui offrir ce petit cadeau, c'était lui faire un doux reproche de son absence et lui montrer qu'il me laissait seule. Au moment où j'allais lui donner ma bourse, il a tiré l'autre. Il n'y a pas là de quoi pleurer. Oh si, il y a de quoi pleurer, car j'ai fait une grande folie. Je lui ai demandé l'autre bourse. Ah, ce n'est pas diplomatique. Non. Et il m'a refusé. Et alors... Ah, j'ai honte. Eh bien, je l'ai demandé à genoux. Je voulais qu'il me fît ce petit sacrifice et je lui aurais donné ma bourse en échange de la sienne. Je l'ai prié, je l'ai supplié. Et il n'en a rien fait, cela va sans dire. Pauvre innocente, il n'est pas digne de vous. Ah, malgré tout, je ne le croirai jamais. Vous avez raison, je m'exprime mal. Il est digne de vous et vous aime. Mais il est homme et orgueilleux. Quelle pitié. Et où est donc votre bourse? La voilà ici, sur la table. Cette bourse-là? Eh bien, ma chère, elle est 4 fois plus jolie que la sienne. D'abord, elle n'est pas bleue. Ensuite, elle est charmante. Prêtez-la-moi. Je me charge au bien de la lui faire trouver de son goût. Tâchez, vous me rendrez la vie. En être là après un an de mariage, c'est inouï. Il faut qu'il y ait de la sorcellerie là-dedans. Cette Blainville avec son indigo, je la déteste des pieds à la tête. Elle a les yeux battus jusqu'au menton. Mathilde, voulez-vous faire une chose? Il ne vous en coûte rien d'essayer. Votre mari viendra-t-il ce soir? Je n'en sais rien. Comment étiez-vous quand il est sorti? Oh, j'étais bien triste et lui bien sévère. Il viendra. Avez-vous du courage? Quand j'ai une idée, je vous en avertis. Il faut que je me saisisse au vol. Je me connais, je réussirai. Ordonnez donc, je me soumets. Passez dans ce cabinet. Habillez-vous à la hâte et jetez-vous dans ma voiture. Je ne veux pas vous envoyer au bal, mais il faut qu'en rentrant, vous ayez l'air d'y être allé. Vous vous ferez mener où vous voudrez, aux Invalides ou à la Bastille. Ce ne sera peut-être pas très divertissant, mais vous serez aussi bien là qu'ici pour ne pas dormir. Est-ce convenu? Maintenant, prenez votre bourse et enveloppez-la dans ce papier. Je vais mettre l'adresse. Bien, voilà qui est fait. Au coin de la rue, vous ferez arrêter. Vous direz à mon groom d'apporter ici ce petit paquet, de le remettre au premier domestique qu'il rencontrera et de s'en aller sans autre explication. Dites-moi du moins ce que vous voulez faire. Ce que je veux faire, enfant, est impossible à dire. Et je vais voir si c'est possible à faire. Une fois pour toutes, vous fiez-vous à moi? Oui. Tout au monde pour l'amour de lui. Allons, preste, voilà une voiture. C'est lui, j'entends sa voix dans la cour. Sauvez-vous. Y a-t-il un escalier dérobé par là? Oui, heureusement. Mais je ne suis pas coiffée. Comment croira-t-on à ce bal? Tenez, vous arrangerez cela en route. À genoux. Une telle femme à genoux. Et ce monsieur-là qui la refuse? Une femme de 20 ans, belle comme un ange. Pauvre enfant, qui demande en grâce qu'on daigne accepter une bourse faite par elle en échange d'un cadeau de Madame de Blainville. Mais quel abîme est donc le cœur de l'homme? Ah, ma foi, nous valons mieux qu'eux. Entrez. Bonsoir, comte. Madame. Voulez-vous du thé? Je vous rends grâce, je n'en prends jamais. Était-il amusant, ce bal? Comme cela. N'y étiez-vous pas? Voilà une question qui n'est pas galante. Non, je n'y étais pas. Mais j'y ai envoyé Mathilde, que vos regards semblent chercher. Vous plaisantez à ce que je vois. Plaît-il? Je vous demande pardon. Je tiens un article d'une revue qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vraiment Mathilde est à ce bal? Mais oui. Vous voyez que je l'attends. C'est singulier. Elle ne voulait pas sortir lorsque vous le lui avez proposé. Apparemment qu'elle a changé d'idée. Pourquoi n'y est-elle pas allée avec vous? Parce que je ne m'en suis plus souciée. Elle s'est donc passée de voiture. Non, je lui ai prêté la mienne. Avez-vous lu ça, monsieur Chavigny? Quoi? C'est la revue des deux mondes. Un article très joli de Madame Sand sur les orangs-outans. Sur les? Sur les orangs-outans. Oh, je me trompe, ce n'est pas d'elle, c'est celui d'à côté. C'est très amusant. Je ne comprends rien à cette idée d'aller au bal sans m'en prévenir. J'aurais pu du moins la ramener. Aimez-vous les romans de Madame Sand? Non, pas du tout. Mais si elle y est, comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvée? Quoi? La revue? Elle était là-dessus. Vous moquez-vous de moi, madame? Peut-être. C'est selon à propos de quoi? C'est de ma femme que je vous parle. Est-ce que vous me l'avez donnée à garder? Vous avez raison, je suis très ridicule et je vais de ce pas la chercher. Bah, vous allez tomber dans la queue. C'est vrai. Je ferai aussi bien d'attendre. Et j'attendrai. Savez-vous, monsieur de Chavigny, que vous m'étonnez beaucoup? Je croyais vous avoir entendu dire que vous laissiez Mathilde parfaitement libre et qu'elle allait où bon lui semblait. Certainement. Vous en voyez la preuve. Pas tant. Vous avez l'air furieux. Moi, par exemple. Pas le moins du monde. Vous ne tenez pas sur votre fauteuil. Je vous croyais un tout autre homme, je l'avoue. Et pour parler sérieusement, je n'aurais pas prêté ma voiture à Mathilde si j'avais su ce qui en est. Mais je vous assure que je le trouve tout simple et je vous remercie de l'avoir fait. Non, non, vous ne me remerciez pas. Je vous assure, moi, que vous êtes fâchée. À vous dire vrai, je crois que si elle est sortie, c'était un peu pour vous rejoindre. J'aime beaucoup cela. Que ne m'accompagnait-elle? Eh oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais voilà comme nous sommes, nous autres. Nous ne voulons pas. Et puis, nous voulons. Décidément, vous ne prenez pas de thé? Non, il me fait mal. Eh bien, donnez-moi. Plaît-il, madame? Donnez-moi. Ministère ce soir? Je n'en sais rien. Ce sont de drôles d'auberges que ces ministères. On y entre et on en sort sans savoir pourquoi. C'est une procession de marionnettes. Prenez donc ce thé à votre tour, il est déjà à moitié froid. Pas mis assez de sucre. Mettez-moi un ou deux morceaux. Comme vous voudrez. Il ne vaudra rien. Mmh. Maintenant, encore un peu de lait. Êtes-vous satisfaite? Une goutte d'eau chaude à présent. Il n'y a pas le moindre doute. Et pourquoi ne vaudra-t-il rien? Parce qu'il est froid et trop sucré. Eh bien, s'il ne vaut rien, ce thé, jetez-le. Oh mon Dieu, que vous m'amusez! Je n'ai jamais rien vu de si maussade. Ma foi, c'est vrai, je ne suis qu'un sot. Je ne vous avais jamais vu jaloux, mais vous l'êtes comme un Othello. Pas le moins du monde. Je ne peux pas souffrir qu'on se gêne, ni qu'on gêne les autres en rien. Comment voulez-vous que je sois jaloux? Par amour propre, comme tous les maris. Bah, à propos de femme, on dit jaloux par amour propre parce que c'est une phrase toute faite, comme on dit votre très humble serviteur. Le monde est bien sévère pour ses pauvres maris. Pas tant que pour ses pauvres femmes. Oh, mon Dieu, si. Tout est relatif. Peut-on permettre aux femmes de vivre sur le même pied que nous? C'est une absurdité qui saute aux yeux. Il y a mille choses très graves pour elles qui n'ont aucune importance pour un homme. Oui, les caprices, par exemple. Pourquoi pas? Eh bien oui, les caprices. Il est certain qu'un homme peut en avoir et qu'une femme... En a quelquefois. Est-ce que vous croyez qu'une robe est un talisman qui en préserve? C'est une barrière qui doit les arrêter. À moins que ce ne soit un voile... Il est cool. J'entends marcher, c'est Mathilde qui rentre. Oh que non, il n'est pas minuit. Qu'est-ce que c'est? Comme veut-on? On vient d'apporter cela pour monsieur le comte. Est-ce encore un cadeau qui vous arrive? À cette heure-ci, c'est un peu fort. Que diable est-ce que cela veut dire? Hé, hey, François! Et qu'est-ce qui a apporté ce paquet? Monsieur. Et qu'est-ce qui a apporté ce paquet? Monsieur, c'est le portier qui vient de monter. Il n'y a rien avec, pas de lettre? Non, monsieur. Est-ce qu'il avait ça depuis longtemps, ce portier? Non, monsieur. On vient de le lui remettre. Mais qui le lui a remis? Monsieur, il ne sait pas. Il ne sait pas. Perdez-vous la tête, est-ce un homme ou une femme? C'est un domestique en livrée, mais il ne le connaît pas. Est-ce qu'il est en bas, ce domestique? Non, monsieur. Il est parti sur le champ. Il n'a rien dit? Non, monsieur. C'est bon. J'espère qu'on vous gâte, monsieur de Chavigny. Si vous laissez tomber votre argent, ce ne sera pas la faute de ces dames. Je vais être pendu si j'y comprends rien. Laissez donc, vous faites l'enfant. Non, je vous donne ma parole d'honneur que je ne devine pas. Ce ne peut être qu'une méprise. Est-ce que l'adresse n'est pas dessus? Ma voici. Vous avez raison. C'est singulier, je connais l'écriture. Peut-on voir? C'est peut-être une indiscrétion à moi de vous la montrer, mais tant pis pour qui s'y expose. Tenez, j'ai certainement vu de cette écriture-là quelque part. Et moi aussi, très certainement. Attendez donc. Non, je me trompe. Est-ce un bâtard ou un coulé? Fi donc, c'est une anglaise pur sang. Regardez-moi comme ces lettres-là sont fines. Oh, la dame est bien élevée. Vous avez l'air de la connaître. Moi, pas du tout. Où en étions-nous donc de notre conversation? Mais il me semble que nous parlions caprice. Ce petit poulet rouge arrive à propos. Vous êtes dans le secret, convenez-en. Il y a des gens qui ne savent rien faire. Si j'étais de vous, j'aurais déjà deviné. Voyons, soyez franche. Dites-moi qui c'est. Je croirais assez que c'est Madame de Blainville. Vous êtes impitoyable, madame. Savez-vous bien que nous nous brouillerons? Je l'espère bien, mais pas cette fois-ci. Vous ne voulez pas m'aider à trouver l'énigme? Belle occupation, laissez donc cela. On dirait que vous n'y êtes pas fait. Vous y penserez plus tard, quand ce ne serait que par politesse. Il n'y a donc plus de thé? J'ai envie d'en prendre. Je vais vous en faire. Dites donc que je ne suis pas bonne. Plus je cherche, et moins je trouve. Ah ça, dites donc, et ça partit pris, vous pensez qu'à cette bourse. Je vais vous laisser à vos rêveries. C'est qu'en vérité, je tombe des nues. Je vous dis que c'est Madame de Blainville. Ah. Elle a réfléchi sur la couleur de sa bourse et elle vous en envoie une autre, par repentir. Ou mieux encore, elle veut vous tenter et voir si vous porterez celle-ci ou la sienne. Je porterai celle-ci sans aucun doute. C'est le seul moyen de savoir qui l'a faite. Je ne comprends pas. C'est trop profond pour moi. Je suppose que la personne qui me l'a envoyée me la voit demain entre les mains. Croyez-vous que je m'y tromperai? C'est trop fort! Je n'y tiens pas! Est-ce que ce serez vous par hasard? Voilà votre thé! Fait de ma blanche main! Et il sera meilleur que celui que vous m'avez fabriqué tout à l'heure! Mais finissez donc de me regarder! Est-ce que vous me prenez pour une lettre anonyme? C'est vous, c'est quelque plaisanterie. Il y a un complot là-dessous. C'est un petit complot assez bien tricoté. Avouez donc vous en êtes. Non. Je vous en prie. Pas davantage. Je vous en supplie. Demandez-le à genoux et je vous le dirai. À genoux, tant que vous voudrez. Allons, voyons. Sérieusement? J'aime cette posture. Elle vous va à merveille. Mais je vous conseille de vous relever afin de ne pas trop m'attendrir. Ainsi, vous ne direz rien, n'est-ce pas? Avez-vous là votre bourse bleue? Je n'en sais rien, je crois que oui. Je crois que oui aussi. Donnez-la-moi, je vous dirai qui a fait l'autre. Vous le savez donc? Oui, je le sais. Et c'est une femme? À moins que ce ne soit un homme, oh. Je ne vois pas. Je veux dire, c'est une jolie femme. Ah, c'est une femme qui, à vos yeux, passe pour une des plus jolies femmes de Paris. Brune ou blonde? Bleue. Par quelle lettre commence son nom? Vous ne voulez pas de mon marché? Donnez-moi la bourse de Madame de Blainville. Est-elle petite ou grande? Donnez-moi la bourse. Dites-moi seulement s'il a le pied petit. La bourse ou la vie? Me direz-vous le nom si je vous donne la bourse? Oui. Votre parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Parlons, Caprice. Vous convenez donc qu'une femme peut en avoir? Est-ce que vous en êtes à le demander? Pas tout à fait. Mais il peut arriver qu'un homme marié ait deux façons de parler. Et jusqu'à un certain point... Deux façons d'agir. Eh bien, ce marché, est-ce qu'il s'envole? Je croyais qu'il était conclu. Un homme marié n'en reste pas moins un homme. La bénédiction ne le métamorphose pas, mais elle l'oblige quelquefois à prendre un rôle et en donner les répliques. Il ne s'agit que de savoir dans ce monde à qui les gens s'adressent quand ils vous parlent. Si c'est au réel ou au convenu, à la personne ou au personnage. J'entends, c'est un choix qu'on peut faire. Mais où s'y reconnaît le public? Je ne crois pas que pour un public d'esprit, ce soit long ni bien difficile. Vous renoncez donc à ce fameux nom? Allons, voyons, donnez-moi cette bourse. Une femme d'esprit, par exemple. Une femme d'esprit sait tant de choses. Ne doit pas se tromper à ce que je crois sur le vrai caractère des gens. Elle doit bien voir au premier coup d'œil. Décidément, vous gardez la bourse? Il me semble que vous y tenez beaucoup. Une femme d'esprit, n'est-il pas vrai, madame, doit savoir faire la part du mari et celle de l'homme, par conséquent. Comment êtes-vous donc coiffée? Vous étiez tout en fleurs ce matin. Oui, ça me gênait, je me suis mise à mon aise. Oh mon Dieu, mes cheveux sont défaits d'un côté. Vous avez la plus jolie taille du monde. Une femme d'esprit comme vous. Une femme d'esprit comme moi se donne au diable quand elle a affaire à un homme d'esprit comme vous. Qu'à cela ne tienne, je suis assez bon diable. Pas pour moi, du moins ce que je pense. C'est qu'apparemment quelque autre me fait tort. Qu'est-ce que ce propos-là veut dire? Il veut dire que si je vous déplais, c'est que quelqu'un m'empêche de vous plaire. C'est modeste et poli. Mais vous vous trompez, personne ne me plaît et je ne veux plaire à personne. À votre âge, avec ces yeux-là? Je vous en défie. C'est cependant la vérité pure. Si je le croyais, vous me donneriez bien mauvaise opinion des hommes. Je vous le ferai croire bien aisément. J'ai une vanité qui ne veut pas de maître. Ne peut-elle souffrir un serviteur? Bah, serviteurs ou maîtres, vous n'êtes que des tyrans. C'est assez vrai. Et j'avoue que là-dessus, j'ai toujours détesté la conduite des hommes. Je ne sais d'où leur vient cette manie de s'imposer qui ne sert qu'à se faire haïr. Est-ce votre opinion sincère? Très sincère. Je ne conçois pas comment on peut se figurer que, parce qu'on a plu ce soir, on est en droit d'en abuser demain. C'est pourtant le chapitre premier de l'histoire universelle. Oui, et si les hommes avaient le sens commun là-dessus, les femmes ne seraient pas si prudentes. C'est possible. Les liaisons d'aujourd'hui sont des mariages. Et quand il s'agit d'un jour de noces, cela vaut la peine d'y penser. Vous avez mille fois raison. Et dites-moi, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tant de comédie et si peu de franchise? Une jolie femme qui se fie à un galant homme ne saurait-elle le distinguer? Il n'y a pas que des sots sur la terre. C'est une question en pareille circonstance. Mais je suppose que, par hasard, il se trouve un homme qui, sur ce point, ne soit pas de l'avis des sots. Et je suppose qu'une occasion se présente où l'on puisse être franc, sans danger, sans arrière-pensée, sans crainte des indiscrétions. Je suppose qu'on dise à une femme, nous sommes seuls. Vous êtes jeune et belle, et je fais de votre esprit et de votre cœur tout le cas qu'on en doit faire. Mille obstacles nous séparent, mille chagrins nous attendent si nous essayons de nous revoir demain. Votre fierté ne veut pas d'un jour, votre prudence ne veut pas d'un lien. Vous n'avez à redouter ni l'un ni l'autre. On ne vous demande ni protestation, ni engagement, ni sacrifice. Rien qu'un sourire de ses lèvres de rose et un regard de ses beaux yeux. Souriez pendant que cette porte est fermée. Votre liberté est sur le seuil. Vous la retrouverez en quittant cette chambre. Ce qui s'offre à vous, ce n'est pas le plaisir sans amour. C'est l'amour sans peine et sans amertume. C'est le caprice, puisque nous en parlons. Non l'aveugle caprice des sens, mais celui du cœur, qu'un moment fait naître et dont le souvenir est éternel. Vous me parliez de comédie, mais il paraît qu'à l'occasion vous en joueriez d'assez dangereuse. J'ai quelque envie d'avoir un caprice avant de répondre à ce discours-là. Il me semble que c'en est l'instant puisque vous en plaidez la thèse. Avez-vous là un jeu de cartes? Oui, dans cette table, qu'en voulez-vous faire? Donnez-le-moi. J'ai ma fantaisie et vous êtes forcé d'obéir si vous ne voulez vous contredire. Allons, comte, dites rouge ou noir. Voulez-vous me dire quel est l'enjeu? L'enjeu est une discrétion. Soit, j'appelle rouge. C'est le valet de pique. Vous avez perdu. Donnez-moi cette bourse bleue. De tout mon cœur, mais je garde la rouge. Et quoique sa couleur m'ait fait perdre, je ne le lui reprocherai jamais, car je sais aussi bien que vous quelle est la main qui me l'a faite. Est-elle petite ou grande, cette main? Elle est charmante et douce comme le satin. Lui permettez-vous de satisfaire un petit mouvement de jalousie? Je vous adore. Vous n'aimez donc plus Madame de Blainville? Oh, grand Dieu, je ne l'ai jamais aimée. Ni moi non plus, Monsieur de Chavigny. Mais qui a pu vous dire que je pensais à cette femme-là? Hein, ce n'est pas à elle à qui je demanderai jamais un instant de bonheur. Ce n'est pas elle qui me le donnera. Ni moi non plus, Monsieur de Chavigny. Vous venez de me faire un petit sacrifice. C'est très galant de votre part. Mais je ne veux pas vous tromper. La bourse rouge n'est pas de ma façon. Est-ce possible? Qui est-ce donc qui l'a faite? C'est une main plus belle que la mienne. Faites-moi la grâce de réfléchir une minute et de m'expliquer cette énigme à mon tour. Vous m'avez fait en bon français une déclaration très aimable. Vous vous êtes mis à deux genoux par terre et remarquez qu'il n'y a pas de tapis. Je vous ai demandé votre bourse bleue et vous me l'avez laissée brûler. Qui suis-je donc, dites-moi, pour mériter tout cela? Que me trouvez-vous de si extraordinaire? Je ne suis pas mal, c'est vrai, je suis jeune et il est certain que j'ai le pied petit. Mais enfin, ce n'est pas si rare. Quand nous nous serons prouvés l'un à l'autre que je suis une coquette et vous un libertin, uniquement parce qu'il est minuit et que nous sommes en tête à tête, voilà un beau fait d'armes que nous aurons à écrire dans nos mémoires. C'est pourtant là tout, n'est-ce pas? Et ce que vous m'accordez en riant, ce qui ne vous coûte pas même un regret, ce sacrifice insignifiant que vous faites à un caprice, plus insignifiant encore, vous le refusez à la seule femme qui vous aime, à la seule femme que vous aimiez. Mais madame, qui a pu vous instruire? Parlez plus bas, monsieur. La voilà qui rentre et cette voiture vient me chercher. Je n'ai pas le temps de vous faire ma morale, mais vous êtes homme de cœur et votre cœur vous la fera. Si vous trouvez que Mathilde a les yeux rouges, essuyez-les avec cette petite bourse, que ses larmes reconnaîtront.